Je vais vous dire. Vous arrêtez pas de râler, vous vous plaignez, vous me racontez toutes ces conneries, c'est... Si vous croyez que ça va m'aider à affronter les coups durs, c'est gentil. Et vous voulez être un héros. Vous voulez être un champion, mais les gens ne veulent pas de champion. Ils veulent manger des cheeseburgers, jouer au loto et regarder la télé. Comment vous en êtes arrivé là? J'aimerais bien que vous m'expliquiez. Il y a plusieurs raisons à cela. Écoute. Je crois pas que je pourrais continuer à vivre dans une société qui engendre et qui cultive l'apathie comme si c'était une vertu. Vous êtes pas différent, vous êtes pas meilleur. J'ai jamais dit que j'étais différent, ni même meilleur. En fait, je les comprends totalement. L'apathie est une solution. Vous savez, c'est plus facile de tomber dans la drogue que d'affronter la vie. C'est plus facile de piquer ce que vous avez envie que d'essayer de le gagner. Ouais. C'est plus facile de battre un enfant que de l'élever. Et l'amour, par contre, ça demande des efforts, du courage. Je suis en train de vous parler de la vie de tous les jours. Enfin quoi, vous n'êtes quand même pas si naïf. Putain, c'est dingue. Vous vous entendez quand vous parlez? Le problème, c'est que les gens en ont rien à foutre. Et que moi, j'en ai rien à foutre des gens. Ça a aucun sens. Vous savez pourquoi? Et vous vous sentez concerné? Vous voulez savoir? Vous voulez savoir? Et vous croyez que vous allez tout changer? Depuis que le monde est monde, l'homme inonde la map, monte à seconde d'onde, nauséabonde et des frondes qui leur correspondent. La haine vagabonde, de jour en jour poursuit sa ronde, saute nos âmes profondes, siphonne féconde et les conflits abondent. Pour n'importe quel motif, de façon, faut un fautif. La haine de l'émotif, l'autre motif, le leitmotiv. Pour quelques dalles et briconneurs, on a tué Maya, Aztec et les Indiens d'Amérique du Nord. Installés là depuis des siècles, le dernier vestige des peaux rouges à le visage pâle. Le tatouage d'une ganache sur un cuir dorsal, partout sur le globe. Massacre ethnique à l'appel, les xénophobes. Les microbes et les peuples entiers manquent à l'appel. Chaque pays fait ses comptes et la Russie vise la palme à 7-0. Le chiffre montre que pour Staline, ça calme. Poutine a repris le flambeau, déjà allumé au lance-flamme. En Tchétchénie joue les Rambo et fait chauffer le napalm. Y'a Hitler avec les juifs au Kosovo, Milosevic Saddam avec les chiites, tout-outil et tout-outim. Faut-tu faire pour qu'à l'avenir on évite un retour au schéma où les coupables ne payent pas, même après Hiroshima. Espèce menacée, tous ces conflits aiment nos sang. L'honneur de la mort est menacée par terre trop d'hommes innocents. Espèce menacée, tous ces conflits aiment nos sang. L'odeur de la mort est menacée et par terre trop d'hommes innocents. E-S-P-E-C-E-M-E-N-A-C-E-E. Vous voudriez que je sois d'accord avec vous et que je dise Ouais, t'as raison, c'est foutu, c'est la merde, putain. Tout est pourri, on va se casser loin d'ici et aller vivre dans les bois. Mais non, je vais pas dire ça. Je suis pas d'accord avec vous, c'est hors de question. Sur son parapet, la paix est prête à perdre ses repères et brasser l'air de près. Car l'espoir que cesse ces guerres et guerres et paix. Des espèces animales cohabitant sur la terre. L'homme est le seul qui de façon machinale veut mettre son frère à terre. D'un caractère autoritaire et dans des termes aux airs sectaires. Des hommes de fer s'affairent à faire taire les réfractaires. Ils déblatèrent de manière arbitraire et alternent les airs de la sphère en guerre. Y'a eu le cimetière, la guerre éclair et l'ère du nucléaire. Ils envoyèrent des astères austères qui dévastèrent nos terres. Les cimetières font guichet mais vert, c'est pourtant clair. Merde, l'avenir prend des airs des meurtrières, on interpère. Mer, dans des cratères frais d'hier, l'atmosphère s'altère et la haine les désaltère. Un mal que ne guérit pas les terres et qui me blesse comme des haltères sur instrument manifère. Absolutaire, but unitaire, humanitaire. Quand l'avenir plus les sanitaires, mort à foison à l'horizon. Pendaison en toute saison, toujours en quête comme Jason. La paix est ma toison, l'hydre de l'air, les multicornes et l'esterne. Le Sierra Leone, comme un western, Tadjo Leone sur un emblème de Morricone. Alors où je parle, j'attire au Rwanda, au Liberia, en Ouganda, à Pretoria, au Nigeria. Ça manque de pages en agenda, un jour de deuil par feuille. Une larme à l'œil pour chaque cercueil, la larme de fond nous pousse droit vers l'écueil où la mort nous accueille. Ernest Hemingway a écrit « Le monde est un bel endroit qui vaut la peine qu'on se batte pour lui. » Je suis d'accord avec la seconde partie.